61e leçon. Location de voiture. Mais après tout, c'est peut-être plus pratique d'y aller en voiture, se dit Catherine. Elle téléphone au renseignement et obtient plusieurs numéros de téléphone d'agences de location. Merci d'avoir appelé Hervis Location. Laurent, à votre service. Bonjour. Je désire louer une voiture pour me rendre à Strasbourg. Bien sûr, madame. Quelle catégorie de voiture désirez-vous ? Je ne sais pas. Pouvez-vous me donner quelques explications, s'il vous plaît ? Eh bien, ça va de la catégorie A, qui correspond aux petites voitures, jusqu'à la catégorie E, les voitures haut de gamme. Une petite me convient parfaitement. Quelles sont vos conditions ? Vous partez combien de temps ? Du vendredi au dimanche. Si ça vous intéresse, venez à l'agence avec votre permis de conduire et une carte de crédit. Simple, n'est-ce pas ? Laissez-moi réfléchir et je vous rappellerai jeudi ou vendredi. Bien sûr, madame, mais n'oubliez pas que nous avons beaucoup de demandes en fin de semaine. Exercice. Société française de gaz, bonjour. Bonjour. Monsieur Susoni, s'il vous plaît. J'espère que cette chambre vous conviendra. Elle me convient parfaitement. Ces lunettes ne te vont pas du tout, mais pas du tout. Prenez le forfait. Ça revient beaucoup moins cher. Nous avons toujours beaucoup de monde en fin de semaine.